Salut. Ça va ou quoi? Ça va, pépère, tranquille. Tiens, justement, t'as pas du feu par hasard? Ah non, j'ai pas de fire. Ah, qu'est-ce qui se passe? là, T'as ça y est, j'ai l'habitude ou arrêté. quoi? C'est terminé pour moi tout ça. Là. Tu peux Ah, arrêter là. je passe à autre chose, mon gars. Arrête de Mais si. mytho, t'arrêtes de fumer rien du tout. Je suis obligé, mon gars, attends. Ça Ça peut coûte être trop grave ou quoi? cher, ça coûte trop cher. On est marre d'être dépendant à toutes ces conneries là. Dès mon plus jeune âge, j'ai vite compris l'asservissement. Assez de misère quand t'ouvres les yeux, faudrait prendre de la distance. J'ai eu des liaisons dangereuses avec des tas produits comme les politiques, je te raconte des tas connards. L'état se fout de tout, se frotte les mains, c'est mal poli. Même les gars solides deviennent un jour des alcooliques. Comment ne pas avoir la haine comme Mathieu K. Sophie, nous sommes un tas, copie en gros de la pacotille. Dépendant des femmes, de la fume, de la tisse, de la terrine. Dépendant de la thune, pas des urnes, de la fainéantie. Dépendant de ma vie, ma zip, de ma fille. La folie, la oui, longue, longue. Dépendant jusqu'à la moine, je me sens rarement détendu. Les potes me disent il faut y croire. Je vois que ma volonté a fondu. Fumer tu je veux pas savoir. Que veux-tu, je suis déjà pendu. Pas de solution adéquate. Dépendant j'ai déjà perdu. Dépendant jusqu'à la moine. Dépendant jusqu'à la moine. Rarement détendu. Mes dépendances, je voudrais bien en lâcher deux trois. J'ai passé une partie de ma vie en nuit blanche pour elle un paquet de fois. Impossible de lâcher, impossible de me passer de ça. Mais je peux pas continuer ou très vite, je vais craquer, je crois. Je voudrais les larguer, résister quand elles me narguent. Pour les quitter, je repense à toutes ces fois où je tape des battes. Allongé quand je charge au dé de fumée acre. Réveil hard et abs dans le parc, dans des saves froides et crades. Mais je les quitte avec un brin de nostalgie. Viré dans la caisse avec l'équipe à la recherche des antalgiques. À la recherche du Graal, deux fois la dose et tu vois comme je parle. Pas besoin de mic. Mais moi l'instru et tu vois comme ça part. En somme mes dépendances c'est mon passé, ma jeunesse. Je les quitte une par une car j'ai qu'une femme et je ne veux plus de maîtresse. Mais je lutte chaque jour pour avoir la garde de mon âme et être sûr de quitter ce monde en ayant pris du grade. Dépendant des femmes, de la fume, de la tisse, de la terrine. Dépendant de la thune, pas des urnes, de la fainéantie. Dépendant de ma vie, ma zip, de ma fille. La folie, la oui, longue, longue et la vie. Dépendant jusqu'à la moine. Des potes me disent il faut y croire. Fumer tu je veux pas savoir. Pas de solution adéquate. Dépendant jusqu'à la moule. Les femmes sont dépendantes du maquillage, font un tube de crème. Elles veulent rencontrer le prince charmant comme tu rencontres un marchand de rêve. Je suis comme ce type qui ne veut pas vivre avec la peur au vent, de prendre du bide et de vivre dans l'urgence comme ce petit garnement. Dépendant jusqu'à la moelle comme cet Yvonne que je croise. La main gauche peut-être de Jack, sa main droite est toute noire. Je vois des hommes en stress qui voudraient plein d'accessoires. C'est vrai j'ai peur de finir en chien traînant les parcs et les squares. Dépendant des femmes, de la fume, de la tisse, de la terrine. Dépendant de la thune, pas des urnes, de la fainéantie. Dépendant de ma vie, ma zip, de ma fille. La folie, la oui, longue, longue et la liste. Bah, c'est sûr, tu veux pas une petite taf ou quoi? Allez, juste une petite là, on a fini le morceau, c'est bon là. Ouais, vas-y. Franchement, ça reste entre nous. Tu vois, je t'avais dit. Petite dernière. Franchement, la dernière, tu vois. Après, j'avoue, je. Mytho pour la route, tu vois.